Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce ce soir. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Pika tena mikono vizuri kwa ajili ya Bwana. On reste debout un petit moment. Reste debout un petit moment. Baki abuima kwa dakika chache. J'aimerais que tu comprennes pourquoi il faut acclamer pour le Seigneur. Napenda pate kuelewa aina yote ya Mungu. Beaucoup pensent que c'est un exercice comme ça pour rien. Oh bien-aimé, vous savez, beaucoup de gens ont des problèmes difficiles. Il y en a qui ne se retrouvent même pas le matin. Un jour, quelqu'un me dit, pendant qu'il était malade, on avait soulevé la jambe. J'ai oublié comment il m'a expliqué ça. À l'hôpital, vous voyez des gens, on met un truc, on soulève la jambe. Il a fait 2 mois et 2 mois. Et sur son lit de malade, il se disait, si Dieu pouvait me donner encore de me tenir sur mes deux jambes, je veux le glorifier autrement. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas attendre seulement dans des moments difficiles pour bénir le Seigneur. J'ai constamment l'Éternel devant ma face. C'est ce que la Bible nous dit. Oh bien-aimé, wapendwa, la victoire n'est pas aux vaillants. Ushindi aina kuwa shuja, ni le travail aux gens qui sont intelligents. Na kazi kwa watu wenye akili. Quand nous vivions chez nous à la maison, wakati tunaishi kwetu nyumbani, tous mes frères grands, mais on a étudié presque ensemble tous. Wakubwa, on a fini ensemble. Wakubwa wangu wakuu wakubwa hata wote tuliweza kumaliza shule sisi wote pamoja. Ils sont morts. Même lit, même casserole de farine, kitanda même kimoja, chambre. Parfois, on s'est changé même les chemises. Alors, quand on dit de louer le Seigneur, d'acclamer pour le Seigneur, je regarde tout Dieu m'a tiré. Je regarde ce que Dieu fait pour mes enfants. Je regarde la vie que Dieu me donne. Quand je parle de la vie, je ne parle pas de l'argent, je parle de la vie. Qu'est-ce que ce corps pour se glorifier? Et quand on me dit loue le Seigneur, bien aimé, quand on me le demande, je le fais déjà. Même quand on ne me le dit pas, quand je me souviens, je dis merci au Seigneur. Chaque fois que tu entres dans l'église, bien-aimé, apprends à louer le Seigneur. Participe à l'adoration avec Dieu. Participe à la louange. Ta vie va changer. Bien-aimé, la vie, c'est un cycle. Il y a des bons jours et des mauvais jours. N'attends pas les mauvais jours. Est-ce que maintenant on peut louer le Seigneur? On peut acclamer pour le Seigneur. Unaweza kushangilia vizuri kwa ajili ya Bwana. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Unaweza kuyafanya vizuri kwa ajili ya Bwana. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Unaweza kushangilia kwa ajili ya Bwana. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Shangilia tena kwa ajili ya Bwana. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Shangilia tena vizuri kwa ajili ya Bwana. Est-ce que tu peux acclamer? Shangilia pour le Seigneur. Kwa ajili ya Bwana. Amina. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Veuillez vous asseoir. Munawezi kuikala. Alléluia. Amina. Dieu aime des gens reconnaissants. Mungu anapenda watu waaminifu. Alléluia. Amina. Dieu aime les gens reconnaissants. Mungu anapenda watu wenye kuwa na shukrani. Nous voyageons tous les jours. Tunakuwa tukisafiri siku zote. Ce n'est pas parce qu'on a de bons véhicules, de bons pneus qu'on doit arriver. Aina kusema tunakuwa na magari nzuri ndio tunaweza tukafika. Que ça soit les véhicules, ikuwe gari. Que ça soit les avions, ikuwe mandeke ya juu. Mais il y a des moments où vous faites des kilomètres, des kilomètres. Mara mingi tunafika kwa usafiri ya mulefu na mafasi ya mbaya kabisa. Mais quand tu atterris, wakati unashuka chini, tu dis il y a un Dieu. Unasema kuko Mungu. Alléluia. Amina. Ce n'est pas une illusion. Aina udanganifu. Ce n'est pas une illusion. Aina udanganifu. Nous voulons voir la leçon 2 aujourd'hui. Tunapenda kuona majifunzo tokea leo. Je rentre encore dans la définition de l'illusion. Aujourd'hui, on ne perd pas beaucoup de temps. Tunarudia tena mutafsiri ya. Une illusion, c'est une irréalité. Udanganifu ni kitu kile akiishi ya ukweli. J'ai consulté en Swahili, on dit udanganisho. Udanganisho. C'est ça illusion. Inakuwa ni udanganisho. C'est une irréalité. Ni kitu kile akinako. S'il existe des illusions, kama kuna kwetu ma udanganisho, c'est qu'il existe des réalités aussi. Ni kusema ma ukweli nayo iko hako. Alléluia. Amina. S'il existe des illusions dans notre vie, kama kuna kwa maudanganisho maisha yetu, c'est qu'il existe des réalités. Ni kusema maukweli nayo inakuwa. Il existe aussi des choses réelles. Kuna kuwa vitu vya ukweli kabisa. Et Dieu na Mungu est réel. Ni wa ukweli. Un jour on pensait que Jésus était un esprit. Siku moja waranza kuwazia Yesu anakuwa ni roho. Il prend le poisson. Anachukua samaki. Il mange. Anakula. Il dit, kisha nasema, un esprit ne mange pas. Ro aikulake apana. Pour dire que Dieu est réel. Jutu ya kusema Mungu hakika. Nous avons un Dieu réel. Wapendwa tunakuwa na Mungu aliye hai. Et ce qu'il fait est réel. Na ile anakuwa anafanya ni ya ukweli. Alléluia. Amina. Nous avons dit nous prenons 3 jours de prière. Tulisema tunachukua masiku 3 ya maombi. Et pendant tout le mois d'août, nous prendrons mercredi, jeudi, vendredi, ça des journées de prière. Na kadiri ya mwezi ya 8 tutachukua kazi 3, kazi 4 na kazi 5 kama masiku ya maombi. Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Et aujourd'hui je vais aussi expliquer pourquoi nous devons prier. Na leo tutaweza kufasiria kwa juu nini tutaanza kuomba. Mais vous savez, dans la maison de Dieu, wapendwa mnajua mnyumba ya Mungu, reste toujours comme un enfant. Bakia kama mtoto. Sois le premier à arriver. Kuwa wa kwanza kufika. Sois le premier à apprendre. Kuwa wa kwanza kujifunza. Mets-toi à genoux. Wa kuweza kukunja magoti kwa chini. Prie le Seigneur. Umuombe Bwana. Mais la vie, c'est à des petites choses qu'on voit la différence. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Il faut dans la vie maintenir l'esprit de prière. C'est très important. C'est très important. L'atmosphère de prière. Et c'est quoi, je prie pendant tout le mois d'août. Na hivi niko naomba kadiri ya mwezi yote mnao. Pendant nos messages, aidez-nous qu'il y ait atmosphère de prière. Na kwaya mupate kutusaidia kukua ile hatua ya maombi. Parce que nous voulons prier. Kwa sababu tunapenda kuomba. En tout cas, nous voulons que ce mois Dieu agisse. Tunapenda kwa ajili kadiri ya mwezi Mungu apate kutenda. Et Dieu le fera. Na Mungu atayafanya. Il y a deux personnes. Kuna kwa watu wawili. À qui rien n'est impossible. Kwa wale hakuna kitu hakiwezekani. D'abord Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Na kwanza kwa Mungu hakuna kitu kile kiwezekani mbele yake. Ensuite celui qui croit, rien ne lui est impossible. Na kwa ule anaamini hakuna kitu kile kinaweza kuwa ngumu. Donc si nous croyons. Kama tu tunaamini. Rien ne nous sera impossible. Hakuna hata kitu kimoja kitakuwa kigumu kwetu. Si tu crois. Kama unaamini. Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekano kwa ule anaamini. Alléluia. Amina. Comme prophétise pas. Natabiri na kutabiri. Si je crois. Kama tu naamini. C'est possible. Inawezekano. Abraham on lui a pas prophétisé. Ibrahim mais il a cru. Ariamini. Et Dieu lui a donné un enfant. Na Mungu aliweza kumupa mwana. Toi aussi ce soir. Wewe vile vile jioni. Si tu crois. Kama tu naamini. Dieu te donnera. Mungu atakupa. Ce dont tu as besoin. Yote ile unahitajia. Alléluia. Amina. Psaume 121. Zaburi 100 na 125. Très intéressant. Versets 1 à 2. Vous voulez strophe 1 à 2, si vous voulez. Psaume 121. La Bible dit ceci. Il y en a ces mains ici. Cantique des degrés. Wimbo wa atua. C'est-à-dire cantique de montée. Wimbo wa atua. Je lève mes yeux vers les montagnes. Nanyanyua macho yangu yulu ya milima. Je lève mes yeux vers les montagnes. Nanyanyua macho yangu yulu ya milima. Il se calme d'abord. Il prend son souffle. Anachukua pumzi yake. Je lève mes yeux vers les montagnes. Nanyanyua macho yangu juu ya milima. D'où me viendra le secours? Na wapi kutatoka msaada wangu? Le secours me vient de l'Éternel. Msaada wangu unatoka kwa wa milele. Qui a fait les cieux et la terre. Ule alifanya mbingu na dunia. On s'arrête ici. Tunasimamia kwanza hapa. C'est un psaume d'ascension. Inakuwa ni zaburi ya kunyanyua tena. Psaume de montée. Zaburi ya atua ya kupanda juu. Psaume de degré. Zaburi ya atua ya juu sana. C'est-à-dire, ni kusema, quand Israël a quitté l'esclavage, wakati Israël alitoka utumwa, il devait monter à Jérusalem. Alipasha kupanda ku Yerusalem. Il chantait ou il récitait ce psaume. Alianza kuimba na kusema hii zaburi. Parce qu'Israël était entouré de montagnes. Kwa sababu alikuwa mwenye kuzunguka na milima. Quand Israël quittait la Palestine, wakati Israël anza kutoka kunyumba, pour aller à Jérusalem, juu ya kwenda ku Yerusalem, il récitait aussi ce psaume. Alianza kuimba hii zaburi. Parce qu'il devait monter. Kwa sababu alipasha kupanda. Et d'autres commentateurs, na wafasirio wengine, il dit c'est un psaume qu'on récitait ou qu'on chantait. Ni anasema ni zaburi ambayo tulianza kusema na kuyaimba. Parce que Israël devait traverser les montées sur les marches pour arriver au parvis. Kwa sababu Israël alipasha kutambuka mamilima juu ya kufika. Il y avait 15 marches. Kulikuwa mwenendo 15 pour arriver au parvis. Juu ya kufika pa fasi ya juu. C'est comme ça il y a 15 mentions de psaume de degrés. Sio vile kuna kuwa mahatua 15 ya hatua ya zaburi. Qui traduit chaque marche. Na iko nafasiria mwenendo wote. Pour monter juu ya kupanda et arriver au parvis. Na kufika pa fasi pa hali ya juu. Oh, j'aime ça. Napenda hii. Chaque fois dans la vie, kila mara mu maisha, moi j'essaie de comprendre. Mimi nafika mkuelewa. Que tu auras à monter. Utafika mkupanda. Que Dieu te fera monter. Na Mungu atafika mkukupandisha. Que le psaume ne s'éloigne pas de ta bouche. Zaburi isiende mbali na kinywa chako. Il y en a qui sont montés dans leur vie. Kuna wale walipanda maisha zao. Yale qui monte dans leur vie. Kuna wale wakunapanda maisha zao. Yale qui monte dans la maison de Dieu. Kuna wale kunapanda nyumba ya Mungu. Yale qui monte dans leurs affaires. Kuna wale kunapanda biashara. Yale qui monte dans leur travail. Kuna wale wanapanda mkazi yao. Ils ont oublié. Waliweza kusahau. Les psaumes, la louange à Dieu. Zaburi nyimbo ya Mungu. Chaque fois que tu auras à monter dans la vie. Kila mara utaanza kupanda maisha. Souviens-toi qu'il y a un cantique pour le Seigneur. Kumbuka kusema kuna kwa wimbo juu ya Bwana. Souviens-toi qu'il y a une louange à Dieu. Kumbuka kuna kwa sifa ya Bwana. Et ne rate pas de louer le Seigneur. Na usipuse kumsifu Bwana. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Unaweza kushangilia kwa ajili ya Bwana. Tu peux acclamer encore pour le Seigneur. Unaweza kuyafanya vizuri kwa ajili ya Bwana. Oh, le Seigneur est merveilleux. Mungu ni mwema. Il fait ces choses pour nous mettre en contact de sa divinité. Et qu'on a fanya hicho kutuambatanisha na Mungu wake. Alléluia. Amina. Je lève mes yeux vers les montagnes. Na nyanyua macho yangu yule ya milima. Premièrement, parlons sur je lève mes yeux. Kia kwanza hapa tunanyanyua macho. C'est-à-dire, ni kusema, si je lève les yeux, kama nanyanyua macho, que quelque part dans la vie, ni kusema fasimo maisha, il marchait les yeux courbés. Warianza kutembea beko na kunjama. Il y a des moments dans la vie, kuna mawakati mu maisha, nous avons des yeux courbés. Tunakuwa na macho yenye kuinama. Nous avons des yeux vers le sol. Tunakuwa na macho mbele ya watu. À cause de problèmes. Kwa ajili ya matatizo. Nous avons les yeux. Tunakuwa na macho. Ils ne savent pas se lever. Haiwezi kunyanyuka. À cause de la honte autour kwa de nous. Kwa ajili ya haya kando kando yetu. La honte dans la vie. Haya juu ya maisha. La honte à cause de nos problèmes. Haya kwa ajili ya mambo yetu. Nous fait tourner les yeux vers le bas. Tu as kurudisha tout macho chini. Le regard n'est plus passé vers le haut. Na kuangalia tena juu. Vous savez, dans Genèse au chapitre 37, Mwanzo makumi tatu na saba, verset 33, mustari wa makumi tatu na tatu, on nous parle de l'histoire de Jacob. Wanatufasiria hadithi ya Jacob. Jacob perd sa femme. Yakobo anapoteza mke wake. Rachel. Racheli. Et puis Jacob va perdre son fils. Kisha Jacob anapoteza tena mwana wake. On amène la tunique. Wanaleta mavazi. On dit à Jacob. Wanamwambia Jacob. Regarde cette tunique. Tazama hii mavazi. Si ça appartient à Joseph. Kama inamwelekea Yusuf. Quand Jacob regarde la tunique. Wakati Jacob aliweza kutazama mavazi. C'est bel et bien la tunique de mon fils Jacob. Anasema uhakika ni mavazi ya mtoto yangu Jacob. Joseph. Yusuf. Il prend la tunique. Anachukua vazi. Et comprend que Joseph est mort. Na anaelewa kusema Yusuf amefariki. Le deuil dans la vie. Kilio ndani ya maisha. Fait que nos yeux sont tournés vers la terre. Chini. Jacob il dit, Jacob anasema, je veux mettre les deuils. Nitafanya kilio. Tu veux dire que moi aussi, paka ile siku nami, j'ai rencontré mon fils au séjour de mort. Mienda nikutane na mtoto wangu kukafasi ya mauti. Mais pendant ce temps, asakadiri ile wakati, il savait pas que son fils était déjà élevé. Asikujua kwamba mtoto wake alikwisha kunyanyuliwa. Mais je retiens une chose. Wapendwa na shika kitu kimoja. Le deuil dans la vie. Kilio mu maisha. Nous fait tourner vers le bas. Iko na tuweka tunatakongeza. Nos yeux vers le bas. Iko na ngaria chini. Nos yeux vers les problèmes. Macho yote kwa matatizo. Alors que Dieu a déjà agi quelque part. Shapo shakutenda fasi ma fulani. La femme de Sunem. Mwanamke wa Sunem. De Sunem. De Sulem. Vous savez ça dans 2 Rois chapitre 4 la verset 6 jusqu'à la fin. Inakuwa mwafalme wa pili mstari wake wa 4. C'était une femme qui n'avait pas d'enfant. Anakuwa ni mwanamke aliyosukwa na mtoto. La Bible ne nous dit pas qu'elle était stérile. Biblia itonesha kusema alikuwa mtasa. Mais la Bible nous dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Lakini Biblia inatufasiria kusema sukwe na mtoto. Alors je comprends par là. Naelewa sasa hapa qu'il n'y a pas que le problème de stérilité qui fait qu'on n'ait pas d'enfant. Aina paka mambo ya utasa inafanya usikwe na mtoto. Elle avait d'autres problèmes. Alikuwa na matatizo mengine. Il peut y avoir d'autres problèmes. Unaweza kuwa na matatizo mengine. Qui font qu'il y a des choses qui nous manquent. Inafanya bitu na kupusa. Qui font qu'on n'a peut-être pas d'enfant. Et pendant que je parle, na wakati niko nasema, je prie dans le nom de Jésus. Naomba mujina la Yesu. Quel que soit le problème, ingawa aina tatizo qui s'appelle stérilité, ikuwe utasa, qui s'appelle myome, qu'ils appellent insuffisance de ceci, qu'ils appellent complication dans le ventre, quel que soit ce problème, ce soir, au nom de Jésus, reçois les enfants, reçois cette grâce, elle est disponible au nom de Jésus. Ce problème que tu as, c'est une illusion. La réalité, Jésus a accompli à la croix que dans le nom de Jésus, tu seras béni. Ce soir, reçois cette bénédiction. Alléluia. Amina. Cette personne, David, Daoud, les yeux étaient courbés. Mais alors un jour il s'est dit non. Je lève mes yeux vers les montagnes. Il s'arrête. Et il nous explique pourquoi il a levé les yeux vers les montagnes. Qu'est-ce que représente les montagnes? Les montagnes représentent des difficultés dans la vie. Les montagnes représentent des problèmes. Il y a des difficultés où on peut voir le bout. Mais il y a des difficultés où on ne voit rien après. Il y a des difficultés qu'on peut gravir. Mais il y a des difficultés, tu n'as même pas la force de gravir. Et plusieurs personnes. Mais dans la vie, il y aura toujours une difficulté qui sera difficile à gravir. Il y aura toujours une difficulté où tu ne verras pas de l'autre côté. Oh, David a levé les yeux vers les montagnes. Pour lui, il pensait que le secours dans sa vie viendrait des montagnes. Il y a certaines situations. Tu penses que le secours viendrait des hommes. Les montagnes sont aussi des grandes choses. Bien aimé, parfois dans la vie, tu vois un grand frère, tu vois un oncle, tu vois le pasteur, tu vois quelqu'un dans ta vie avec tes yeux. Oh, ce soir je suis en train de parler de l'illusion des yeux. Avec tes yeux tu te dis non, c'est celui-ci la solution. Non, bien aimé, David a regardez les montagnes. Il dit non, je lève mes yeux vers les montagnes. Pourquoi il a levé les yeux vers les montagnes? Il cherchait le secours. Le secours qui viendrait des montagnes. Plusieurs. Aujourd'hui encore. Et ça, c'est une des faiblesses que nous avons dans la vie. Quand nous voyons quelqu'un, nous regardons si le secours viendra de lui. Frères et sœurs, nous pouvons nous tromper. Même les prophètes se sont trompés. Un jour Dieu envoie Samuel. Tout Israël savait que Samuel c'était le plus grand prophète. Et même aujourd'hui, quand vous êtes en théologie, on vous parle de Samuel comme grand prophète. Dieu lui dit, va chez Isaïe, j'ai choisi un roi. Samuel arrive chez Isaïe. Samuel Isaïe amène tous les enfants. Eliab se présente. Samuel le regarde. Samuel dit c'est celui-ci qui doit être le vrai roi. Parce qu'il est grand. Parce qu'il est géant. Illusion. Frères et sœurs, tes yeux macho yako peuvent te tromper facilement. Inaweza kukudanganya kwa upesi. Mais nous avons un Dieu. Lakini tunakuwa na Mungu. Nous avons un Dieu. Tuko na Mungu. Qui fait grâce. Ule anafanya neema. Même à celui qui est absent. Hata kwa ule asinapo. Oh, ça j'aime l'Éternel. Hii inapenda na Bwana. Même si tu es absent. Hata kama unako. Dieu réservera ta place. Mungu atawea fasi yako. Même si tu es en brousse. Hata kama uko mumani. Dieu réservera sa place. Mungu atachunga fasi yako. Je parle à quelqu'un. Nasema na mumoja. Tu as été abandonné. Ule aliweza kutupiwa. Dieu va réserver ta place là où tu es absent. Tu es absent pendant les jurys. Dieu va réserver ta place. Tu es absent pendant qu'on fait les listes. Dieu va réserver ta place. Tu es absent pendant qu'on choisit des femmes à épouser. Dieu va réserver ta place. Alléluia. Amina. Il dit à Esaïe. Anasema na Isaïe. À Isaïe. Anasema na Isa. Est-ce tous qui sont ici tes fils? Asema wa wote wako hapa ni watoto wako. Il dit non, il y a quelqu'un qui manque. Anasema hapana kuna mmoja anapusa. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Même si tu es absent parmi les hommes. Hata kama unako katikati ya watu. Dieu va réserver ta place. Mungu atachunga sehemu yako. Dieu va réserver ta place. Mungu atachunga fasi yako. Dieu va réserver ta place. Mungu atachunga fasi yako. Et j'aime le Seigneur. Nampenda Bwana. Il dit on ne va pas manger. Anasema atuwezi kula. Jusqu'à ce que David revienne. Paka pale Daudi atarudi. Frères et sœurs. Il y a des bénédictions dans votre famille qui vont t'attendre toi. Aussi longtemps que tu n'es pas encore là, ces bénédictions n'arriveront pas. Ils ne mangeront pas. Ils mangeront seulement quand tu viendras. Oh, je déclare ce soir, sois le David au nom de Jésus-Christ. C'est toi. C'est toi. C'est quand tu arriveras que les lignes vont bouger dans ta famille. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont les derniers, mais qui ont la grâce de diriger. La grâce de diriger n'appartient pas forcément aux aînés. Je reviens à ce que je disais. Samuel s'est trompé à cause de ses yeux. Samuel a réussi à kudanganika kwa ajili ya macho yake. Mais beaucoup de gens se trompent. Watu wengi kunadanganika à cause de leurs yeux. Kwa ajili ya macho yao. Quand ils regardent. Wakati wanatazama. Ça doit être celui-ci mon mari. Inapasha kuya huyu mume wangu. Ça doit être celle-ci ma femme. Anapasha kuya huyu mke wangu. Ça doit être la meilleure voiture. Inapasha kuwa gari nzuri. Ça doit être l'église là où je dois aller. Inapasha kuwa kanisa kule napasha kwenda. Non, bien-aimé. Hapana mpendwa. Ce n'est qu'une illusion. Inakuwa ni udanganifu. Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Parce que nos yeux nous trompent souvent. Nos yeux nous trompent souvent. Macho yetu natudanganyaka kila mara. Joseph est en prison. Yusufu anakuwa katika gereza. Il voit deux personnes. Anaona watu wawili. Il les regarde. Anawatazama. Il pense que ce sont les deux qui vont résoudre son problème. Il dit quand vous allez quitter la prison. Anasema wakati mutatoka katika gereza. Rappelez-vous de moi. Mupate kunikumbuka mimi. Rappelez-vous de moi. Et quand ils ont quitté la prison, personne, d'abord un est mort, et même l'autre ne s'est même pas rappelé de Joseph. Ce soir, je ne sais pas à quoi tu regardes. Je voudrais que tu comprennes une chose, que ce que tes yeux voient, ce n'est pas forcément la réalité. Dans le monde spirituel, la réalité, généralement, on ne la voit pas avec les yeux. Dans le monde physique, dans le monde faible, on veut tout voir avant d'agir. Mais dans le monde spirituel, Dieu dit dans Habakkuk chapitre 2 verset 4, il est dit aussi dans Romains chapitre 1 verset 17, que le juste vivra par la foi et non par la vue. Donc dans le monde spirituel, en fait la réalité, ce n'est pas ce que tu vois de tes yeux, mais la réalité, c'est ce que tu crois par rapport à la parole de Dieu. Même si tu es malade, tu vois un abcès ici, dis-toi que ce n'est pas la réalité. Cette maladie, c'est une illusion. La réalité, par les meurtrissures de Jésus-Christ, c'est la guérison. Alléluia. Amina. La différence, bien-aimé, des chrétiens, ce n'est pas en fonction du nombre de cultes où on a assisté. Ce n'est pas en fonction des danses qu'on a faites à l'église. Mais c'est en fonction de la foi. La foi, bien-aimé. C'est cela qui a fait la différence des hommes. Pas les yeux, mais la foi. Gédéon, c'est la foi. Gideon, ni imani. Noé, c'est la foi. Noah, ni imani. Barak, c'est la foi. Alam, c'est la imani. Jephthé, c'est la foi. Jephthé, ni imani. Moïse, c'est la foi. Moussa, imani. Abraham, c'est la foi. Ibrahim, imani. Quand Dieu lui demande son fils, wakati wanamlomba mtoto wake, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter un mort. Alianza kuweza kusema Mungu ni mzaifu Dieu kuweza kuamsha mwingine. Bien aimé, c'est la foi. Wapendwa, ni imani. Dans Nombre chapitre 13, il s'agit des espions, des 12 espions que Dieu envoie à Cana. Ils partent vers Cana. Ils reviennent de Cana avec des fruits. Ils doivent faire le rapport. Sur les 12, il y avait deux rapports. Le rapport de la majorité et le rapport de la minorité. Quand je parle de rapport de la majorité, on suppose que le grand nombre a vu beaucoup de choses. Il dit à Moïse et aux enfants d'Israël, nous sommes partis à Cana. C'est un très beau pays. On a trouvé du miel et du lait. Ils n'ont pas seulement regardé au miel et au lait. Mais nous avons vu des géants. Nous avons vu des géants à nos yeux et à leurs yeux. Ils disent qu'ils n'étaient même pas comme des hommes. Vous voyez un peu comment ils se voyaient. L'illusion des yeux. Quelqu'un ne se considère même plus comme un homme. Il dit non, non, nous étions comme des sauterelles. Alors que Dieu ne peut pas travailler avec les sauterelles. Dieu ne peut pas donner la vie aux sauterelles. Prendre un pays donné aux sauterelles. Tous ceux qui ont douté dans le désert ne sont pas entrés à Canaan. Pourtant, ils ont mangé la manne. Ils ont bu l'eau du rocher. Frère, nous louons le Seigneur. Nous venons au culte. Nous sautons. Notre vie n'est pas fonction du nombre de cultes auxquels nous assistons. Notre vie n'est pas fonction du nombre de danses que nous faisons. Notre vie n'est même pas fonction de la quantité des offrandes que nous donnons. Oh, Moïse, Josué et Caleb, Yoshua na Caleb, ils disent non. Wanasema apana. C'est vrai. Ils étaient grands. Mais pour puisque le Seigneur nous sera favorable, on ne voit pas cette grandeur. Nous allons les anéantir. Et Dieu a dit, voilà les gens qui ne marchent pas selon l'illusion des yeux, qui marchent selon la réalité. Et c'est quoi la réalité? C'est la foi. C'est la foi. Imani. La foi est une démonstration. Imani inakuwa ni kionyesho. En tant que mathématicien, kama tu mtu alifunza hesabu, quand on parle de démonstration, il y a montré. Donc on a montré. On a démontré encore de nouveau. Waweza kuonesha tena zaidi. Frères et sœurs, ndugu na dada, le temps est arrivé. Wakati imefika. Ta vie, maisha yako, ne doit pas dépendre des illusions. Aista linganisho tu na ma. Nous devons combattre les illusions. Nous devons combattre les illusions. Le grand travail se fait dans la pensée. Dans la pensée. Beaucoup de gens prient. Dans les églises, j'en entends partout. Mais je prie beaucoup. Mais le résultat de ces prières n'est pas là. Il n'y a pas de résultat. Frère, arrêtons de prier sans résultat. Prions avec résultat. Mais pour cela, il faut enlever les illusions. Nos pensées doivent changer. Nos pensées doivent changer. J'ai dit que c'est des jours de prière. Et nous devons avoir des temps de prier. Alors ne regarde pas aux choses grandes. J'aime un verset, je crois, dans Zacharie. Zacharie chapitre 6, verset 7. Il dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. On posera sur toi pierre sur pierre. Donc il a compris que ce n'est pas un problème de montagne. Je ne vais pas regarder aux montagnes. Il y a une puissance, la puissance de Dieu, capable de renverser les montagnes. Oh bien-aimé, ce soir nous voulons prier. Cette semaine nous voulons encore prier pour arrêter des illusions. Acha udanganisho. Laisse les illusions. Acha mandotondoto maisha. Laisse les songes dans la vie. Ne regarde pas les choses telles que tu les vois avec les yeux. Non, bien-aimé. David a compris. Tout me viendra le secours. Il pensait que le secours viendrait de ce qu'il voyait comme grand. Plusieurs pensent que le secours viendrait de ce qu'il voit comme grand. Et David s'est ressaisi. Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Le secours me vient de l'Éternel. Le temps d'arrêter des illusions dans nos vies à cause de ce que nous voyons. Wakati ya kusimamisha. Cherche le secours auprès de Dieu. Tafuta musada kwa Mungu. Cherche le secours auprès de Dieu. Tafuta musada kwa Mungu. Choisis ce que tu dois regarder. Chakula kile utaweza kutazama. Dans la vie, Mumaisha. Apprends à choisir ce que tu dois regarder. Ujifunze ya kuchakula kile unapasha kuangalia. Même quand le monde court à grande vitesse, atakama ulimwengu kuna kimbia kwa haraka zaidi. Avec les réseaux sociaux, pamoja na mitandao na internet. Mais choisis ce que tu vas regarder. Lakini chakula kile utatazama. Choisis chakula. Ce que tu dois regarder dans tes téléphones. Kile utaweza kuangalia ndani ya simu yako. beaucoup d'enfants de Dieu ne choisissent pas ce qu'ils doivent regarder dans leur téléphone. Dans leur vie, à la télévision. On ne m'a rien imposé, on m'a donné une télécommande. C'est-à-dire qu'on m'a donné le droit de choisir ce que je dois regarder. Pour purifier nos pensées. Parce que Dieu exauce nos pensées, comme je l'ai dit le dimanche. Tu pries, c'est bien. Mais que font tes pensées? Les grands pensent différemment de nous, je vous dis. Nous avons les mêmes têtes. Hein? Mais si tu te dis ce qu'ils pensent, toi-même tu te dis, oui, tu n'as tchana naïsan. Toi-même tu vas te dire, moi et lui, il y a la différence. L'Église. Ganissa. Pensons autrement. Deuxièmement, ne te fie pas toujours à ce que tu vois avec tes yeux. Alléluia. Amen. C'est ça le moment de prière. Je l'ai dit le dimanche. Il y a ce moment. Jacob a regardé à ses moyens. Jacob a regardé à autant de brebis, autant de chèvres, autant de bœufs. Mais son frère était plus armé. Son frère avait les armes. Lui, il avait les moyens. L'ennemi a des armes. Toi, tu as des moyens. Toi, tu as des richesses. Tu as la santé. Tu as les enfants. Tu as le travail. Tu as la vie. Mais l'ennemi a des armes contre ces choses-là. Quand Jacob a compris qu'il ne doit pas se fier ni à ce qu'il a, ni à ce qu'il voit chez Esaü. Il a compris que le secours vrai vient de l'Éternel. Frères et sœurs, le secours vient de Dieu. Tel que tu as commencé avec Dieu hier, les années passées, quand tu croyais, quand tu n'avais rien, c'est le même Dieu. C'est le même qui va te guérir ce soir. C'est le même qui fera qu'on va t'attendre. C'est le même qui va justifier ton absence. C'est le même qui va réserver ta place sur la liste. C'est le même Dieu. Jacob est resté seul. Seul. Seul avec Dieu. Loin de toute illusion, loin de tout ce qu'il peut voir. Les femmes à côté, les richesses à côté, les serviteurs à côté. J'ai dit les femmes à côté, les richesses, les moyens à côté, les serviteurs, c'est-à-dire le pouvoir à côté, la gloire à côté. Il a passé la nuit seul. Seul. Parce qu'il savait par la foi que le vrai secours viendrait de l'Éternel, pas de ce qu'il voyait de ses yeux. Frères et sœurs, aujourd'hui, laisse-moi te dire, source féconde, notre secours vient de l'Éternel, viendra de l'Éternel. Il a fait les cieux et la terre. Il a fait les cieux et la terre. Jacob est resté seul. Il a lutté. C'est-à-dire que ce n'était pas facile. Frères et sœurs, la prière n'est pas facile. La prière n'est pas facile. Ni le temps, ni physiquement, ni spirituellement, ni intellectuellement, la prière n'est pas facile. C'est facile de dire je vais prier, mais la prière n'est pas facile. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le corps va se fatiguer. Dès que tu commences à prier, le téléphone sonne. Quand le téléphone arrête de sonner, tu commences à dégrader la tête. Il est maman waza akukuye nayo pawe kuingia mu maombi. Que toutes tes pensées que tu n'avais pas avant, tu commences maintenant à les avoir. Et tu es en train de monter petit à petit. Tu vois ce que tu te disciplines. Si tu n'as encore rien perdu dans la prière, l'orgueil, kiburi, ta force, uwezo wako, nguvu yako, certaines choses, na bitu bima fulani, c'est que tu n'as pas encore fini de prier. Ni kusema auyaisha bado kuomba. Tu n'as pas encore fini de prier. Auyaisha bado kuomba. On a toqué mon prière. Tu quittes dans la prière. On a redonné à mon père mobile au recours y en a deux zaman. Et tu rentres dans le même chose que tu avais. Frère, tu n'as pas encore fini de prier. Nuku auyaisha mahombi. Rentre encore en prière. Rudi tena katika mahombi. La prière. Mahombi. Aina malalamiko. La Bible dit il a passé toute la nuit. Biblia inasema ripitisha usiku wote usima. Oh, généralement la bonne prière vient aussi dans des moments difficiles. Kusema mawakati ya maombi na kwenye mawakati ya nguvu. Et là, il a perdu. Quand il perd, finit l'illusion. Finit l'illusion. Quel est ton nom? Non, je m'appelle Jacob. Pourtant, il avait dit à son père qu'il était Esaü. Son père a insisté. La foi. Saout. C'est pas. Mais quand je te touche, c'est Esaü. Asema ni Isaya. Dis-moi la vérité. Unyambie ukweli. Papa, je te jure. Baba nakulapia. C'est moi Esaü. Ni mie Isaya. Mais devant Dieu. Lakini mbele ya Mungu. La réalité était là. Ukweli ulikuwa pale. Et quand il était face à la réalité. Na pale alikuwa mbele ya ukweli. Dieu lui a donné une victoire qu'il n'imaginait pas. Mungu alimkabria ushindi asikwanze kuwasia. Bien-aimés, notre destinée va dépendre des décisions de ce que nous allons faire. Nous voulons prier. Je lève mes yeux vers les montagnes. À quoi tu regardes pour avoir le secours? À quoi tu regardes pour avoir la solution? Le secours me vient de l'Éternel. Incline-nous en prière. Prends la position que tu veux. Prends la position que tu veux. Nous voulons cette atmosphère de prière, bien-aimé. Commence à prier. Le temps est arrivé. Commence à prier. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Oui, il y a un secours aujourd'hui. Un secours qui ne viendra pas des montagnes. Un secours qui ne viendra pas des hommes. Un secours qui ne viendra pas de l'argent. Un secours qui ne viendra pas des relations. Mais un secours qui viendra de l'éternel. Et mon Dieu est ma force. L'éternel est mon secours. Un secours qui ne manque jamais. Jamais dans la détresse. Dans la détresse. Ils crièrent à l'éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Ils louent le Seigneur pour ses bienfaits en faveur des fils des hommes. Alléluia. Oh, commence à bénir le Seigneur. Commence à dire au Seigneur. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de toi. C'est toi mon secours. Je vois des grands dans ce pays. Je vois l'agitation. Mais ce soir, je crie à l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours ne vient ni de l'Orient. Le secours ne vient ni de l'Occident. Le secours me vient de l'Éternel. Tu ne permettras pas que ton roi voit la corruption. Alléluia. Je ne verrai pas la corruption. Je déclare. Je ne verrai pas la corruption. Saint-Esprit, tu dis dans ta parole quiconque invoque le nom de Jésus ne sera pas corrompu. Il n'y aura pas de confusion dans ma vie. Il n'y en aura pas au nom de Jésus. Parce que le secours vient de l'Éternel. Le Dieu du secours, le Dieu du secours, le Dieu du secours, le Dieu du secours. Le vrai, le vrai, le vrai. Oh, alléluia. Il est là pour te secourir ce soir. Il est là pour t'apporter le secours. Il est là, il est là. Il est là. Il est là pour te donner le secours ce soir. Il est là pour donner le secours. Le secours de Dieu existe, bien-aimé. Je m'ai compris pour quelque chose. Regarde toutes les situations que tu vois de tes yeux dans ta vie. Là où tu as perdu le courage. Et dis-toi que c'est une illusion. Tous ceux qui regardaient Goliath fuyer. Mais quand David a regardé, il lui a dit, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Frères et sœurs, aujourd'hui, les géants là vont tomber. Les géants que tu vois dans ta vie. J'aimerais que tu prennes un peu de temps dans la prière. La prière ne suis pas un mode opératoire. Crois, déclare. Les géants que tu vois dans ta vie. Dis-toi aujourd'hui, c'est fini. Et prends une pierre. Prends la parole de Dieu. Lance sur ces géants-là. C'est la déclaration de la foi que tu vas lancer sur les géants. Et aujourd'hui, tu verras les résultats. Tu vas témoigner le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Les géants doivent tomber. Les géants doivent tomber. Les géants doivent tomber. Les géants doivent tomber. Lance la pierre maintenant. Lance la pierre. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh. Alléluia. Mais je vais t'aider. Je vais t'aider. Il n'y a que la pierre. Il n'y a que Jésus qui peut renverser cette statue géante. Daniel regarde, il dit, j'ai vu une pierre qui est sortie du ciel sans le secours d'aucune main. Qui a renversé, qui a frappé la statue. La tête d'or. La poitrine des reins. Les jambes, le fer mélangé à de l'argile. Bien aimé, c'était un alliage compliqué. Un mélange de métaux compliqués. Mais la pierre a tout renversé. C'est pourquoi aujourd'hui, je refuse les illusions avec mes yeux. Alléluia. Toutes ces statues-là, la pierre qui est Jésus-Christ. D'ailleurs, Pierre lui-même le dit dans Pierre. Cette pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale. Si vous tombez sur cette pierre, c'est bon. Mais si elle tombe sur vous, elle vous écrase. Ce soir, fais tomber Jésus-Christ, cette pierre sur tes problèmes, et tu verras la solution. Élevons nos voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh, Dieu te donne une arme. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ces géants dans ma vie. Alléluia. Je les renverse maintenant. Maintenant. Maintenant. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui, les géants des complots de la sorcellerie, les géants que je connais. Quel bon moment, quel bon moment. Oui, la prière, la prière, la prière, la prière. Oh, ça tombe, les géants tombent, les géants tombent, les géants tombent, les géants tombent, les géants tombent, les géants tombent, les anas tombent. Les géants tombent, les maladies géantes, les problèmes géants, les difficultés géantes, dans nos maisons, dans les villes, ça tombe au nom de Jésus. Les géants tombent, les géants tombent, les géants tombent, allez tomber, je vous chasse, je vous renverse, au nom de Jésus, je vous lance. Le nom de Jésus, pour tous maladies dans mon corps, je vous lance le nom de Jésus. Tombez, sortez, sortez, sortez. Au nom de Jésus, pour toute sorcellerie, ce soir, au nom de Jésus, sortez, libérez. Pour tous blocages, sortez, libérez. Au nom de Jésus. Toutes les armes forcées contre moi sont censées faire. Toutes les larmes qui vont se bloquer contre moi, je les renverse au nom de Jésus. Oh, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous voulons prier pour notre croisade et prier pour notre église. Bien aimé, l'illusion là des difficultés, des choses impossibles, nous allons renverser. Nous avons le nom de Jésus. Si l'ennemi a des armes contre nous, la Bible dit, c'est le forgeron qui forge une arme. Dieu peut détruire et l'arme et le forgeron. Alléluia. C'est comme ça qu'il dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ô bien-aimé, non seulement les forgerons, Dieu va s'en occuper. Même les armes forgées, Dieu va s'en occuper. Nous voulons détruire toutes les difficultés pour cette croisade dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Élève-nous, on va commencer à prier. Élève-nous, on va commencer à prier. Toutes les difficultés au nom de Jésus, je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis dans les finances, dans l'organisation, dans la logistique, dans l'orateur, dans les gens, dans la population, au niveau des autorités. Ce soir, je les détruis au nom de Jésus. Le temps est arrivé, le temps du salut des âmes, le temps du salut des âmes, le temps où les gens cherchent le secours qui doit venir de l'Éternel. Paul a dit, il a vu les Macédoniens qui ont dit viens nous secourir. Moi aussi je vois Lycassie qui dit désiré, viens nous secourir. Oui Seigneur, cette année, nous voulons apporter le secours à l'Icassie. C'est pourquoi je renverse toutes ces difficultés, toutes ces montagnes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais que tu déclares avant de terminer que Seigneur, tu es mon secours. Tu es mon secours. Quelles que soient les difficultés où tu es bien-aimé. On n'a pas eu le temps, mais tout le psaume 107, ceux qui voyageaient, ceux qui faisaient ceci, du sein de leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Quelle que soit ta détresse, ne prie pas, ne dis pas non, Dieu, déclare, toi dis à Dieu, Dieu tu es mon secours. C'est pourquoi cette situation aura une réponse favorable. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Dieu est ton secours. Dieu, tu es mon secours. Dans les dossiers de l'église, dans les dossiers des familles, dans les dossiers de ce pays, dans les dossiers du travail, dans les dossiers des maladies, dans les dossiers de la ville. Toi, Dieu, c'est toi. C'est toi le secours. C'est toi le secours.